1991, ayant pour titre « Comment bénéficier de l'année 1991 ». Tu m'as acheté des fleurs? J'ai pensé que tu n'allais pas mettre ça. Donc, on devrait apprendre ce soir comment on va bénéficier de l'année qui s'en vient, qui est déjà commencée. Est-ce qu'on va en bénéficier à tous les niveaux? Bénéfice, ça veut dire profit. On va-tu faire plus d'argent cette année que l'année passée? Ou est-ce qu'on va en perdre moins? Une autre façon de voir ça. Tu parles du Canada, tu parles de la planète Terre, tu parles de toi personnellement? Non, moi personnellement, ça pourrait être difficilement être pire. Au niveau. Tu sais pas tout! Au niveau, disons, au niveau canadien, avec le TPS, on va-tu en gagner ou en perdre? Il y a une quantité limite, minimum et maximum d'argent. Il n'y en a jamais plus, il n'y en a jamais eu plus, il n'y en aura jamais moins. On parle d'argent, on parle de valeur matérielle. Alors, on ne peut pas être plus riche ou être moins riche. On peut être dans l'illusion d'être plus riche, on peut être dans l'illusion d'être plus pauvre. Bon, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, mais elle se déplace, cet argent. Elle se déplace. Et présentement, elle part de certains points, puis elle est en direction vers d'autres points. Est-ce qu'elle va partir de nos points en tant que consommateur pour s'en aller? Aller à mes points. Il y a effectivement plusieurs personnes qui sont les gardiens de notre argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des... Souvent, le contexte planétaire est un contexte qui oblige l'humain à se dépasser. Et l'humain, souvent, ne comprend pas le principe du dépassement. Il pense qu'il doit dépasser autrui alors qu'il doit se dépasser lui-même. Le contexte planétaire est un contexte évolutif, méritoire, donc c'est un contexte évolutif qui fonctionne par le mérite psychologique, c'est-à-dire que celui qui souffre beaucoup et qui arrive malgré tout à être heureux, eh bien on va dire il l'a mérité. Celui qui travaille énormément et qui perd peut-être sa famille, qui perd peut-être une partie de sa santé pour arriver à avoir de l'argent, eh bien on dit lui il l'a mérité, il a travaillé fort, travaillé dur. Et on est dans un contexte où on va souvent valoriser celui qui finalement perd sa vie au détriment de sa vie. Donc, celui qui n'arrive nulle part, mais qui arrive socialement quelque part. Étant donné que la structure de l'évolution est basée sur l'idée de forcer l'humain à descendre au plus profond des mécaniques d'involution, donc au plus profond des mécaniques de stagnation, donc au plus profond de lui-même, dans la laideur, dans la peur, dans l'angoisse, dans la crainte, dans la guerre, dans la perte, dans la famine, etc., pour que finalement l'humain parvienne à se dresser debout lorsqu'il approche de l'écœurement, pour arriver à inventer, à innover, à s'en sortir. Nous avons une évolution historiquement, une évolution historique qui regarde toutes les formes d'humanité qui ont passé sur la planète, qui prouve cela. Il y a toujours des apocalypses, par la suite, il y a toujours des apothéoses. Donc, lorsque l'humain est dans un contexte où tout va bien, il va mal, et lorsque l'humain est dans un contexte où tout va mal, c'est là que bien souvent il va le mieux. Pour ce faire, il y a des mécaniques où l'humain, qui présentement aurait le droit à une certaine forme de richesse, et quand je parle de richesse, moi je parle toujours de temps et d'argent. L'argent étant le synonyme de la matière, ceux qui ont de l'argent et qui n'ont pas le temps sont des pauvres, ceux qui ont le temps et qui n'ont pas d'argent sont des pauvres, ceux qui ont une liberté matérielle et une liberté temporelle sont riches. Je ne parle donc pas de quantité d'argent ou de temps, je parle de liberté. Maintenant, ce qui arrive, c'est que présentement, ceux qui ont des idées et ceux qui ont de quoi faire, ceux qui pourraient créer, sont les pauvres. Souvent, sont pauvres. Ceux qui, eux, n'ont pas le temps de créer ou n'ont pas d'idées pour créer, bien souvent, eux, ont de l'argent. C'est ce que tu appelles un gardien, les gardiens d'argent. Des gardiens. Toi, tu pourrais être millionnaire et tu pourrais être le gardien de ton argent. Mais c'est assez rare qu'une personne est le gardien de son argent. Plus souvent qu'autrement, les individus qui ont de l'argent sont le gardien de l'argent des autres. Maintenant, il arrive ceci. Il arrive que plusieurs personnes, à un moment donné, ont des idées géniales et ils se disent, « Christy, tu vois, si j'aurais de l'argent, je pourrais faire ceci, cela ou cela. » Et bien souvent, c'est positivement bénéfique pour l'humanité. Sauf que les mécaniques qui régissent l'évolution de l'homme, de la femme et de l'enfant sur cette planète ne sont pas intéressées à ce que l'homme, la femme et l'enfant soient mieux. Ils ne sont pas intéressés. Parce que si l'homme, la femme et l'enfant deviennent mieux, ils cessent d'évoluer. Parce que l'homme, la femme et l'enfant ont des raisons émotives d'évoluer, ils n'ont pas de raisons intelligentes d'évoluer. C'est-à-dire que l'humanité n'a pas encore compris. D'ailleurs, là, il n'y a même pas encore de noyaux dans l'humanité qui sont parvenus à la compréhension du fait que l'évolution, c'est une ascension qui amène à un moment donné l'humain à se dégager des limitations temporelles et spatiales. Et la majorité des êtres humains veulent évoluer toujours en fonction de se diriger vers le mieux pour fuir le pire. Donc, on doit leur offrir du pire pour qu'ils continuent à se déplacer vers le mieux. Et c'est pourquoi la majorité des individus qui se conscientisent ou qui évoluent, et bien à un moment donné, où ils arrivent, quand on parle par exemple des MTS, des martyrs de la transition supramentale, les individus qui sont à un niveau d'évolution où ils croient subitement tout comprendre, où ils vont se dire « je connais la manipulation, je sais ce que c'est, je comprends », ben ceux-là, normalement, ils se font péter la gueule bien raide. Pourquoi? Parce qu'ils sont rendus à un niveau où ils frisent le snobisme de l'évolution, où finalement, ils sont à la hauteur, sont au-delà des autres. Ils savent, ils ont compris, là maintenant, un destin, ils sont quelqu'un. Et puis, ils vont descendre plus bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de plus de souffrance pour continuer à penser qu'ils doivent bouger. Parce que sinon, ils en arrivent à une vision du monde et à une vision des choses qui pourrait leur permettre de se croire rendus, alors qu'ils sont loin d'être rendus. Ils sont en train de prendre conscience des mécaniques de l'automobile, mais l'automobile n'a même pas encore commencé à rouler. Ils ne sont pas rendus. Quand on parle de richesse, on parle de temps, on parle d'argent, certains vont dire la santé. Mais non, la santé ne fait pas partie de la richesse. La santé fait partie des mécaniques qui vont brûler votre temps. Peut-être aussi votre argent. La santé ne fait pas partie de la richesse. Vous êtes malade, vous perdez du temps, vous voulez vous guérir. Voilà. Vous avez du temps et vous le brûlez. On vous a donné une mécanique, une façon de brûler votre temps de façon à ne pas trop évoluer, à continuer à stagner. Non, mais si tu es malade, tu as du temps et de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec ton temps et ton argent? Mais justement. Alors pourquoi? Mais si tu seras en santé avec ton temps et ton argent, est-ce que tu pourras faire quelque chose? Ben oui. C'est pourquoi on te rend malade. Qui me rend malade? Les malades. On te rend malade. L'astral, le mental, l'intelligence. Qui? Est-ce que c'est l'intelligence qui rend les gens malades ou si c'est l'astral? Non, quand c'est l'intelligence, on peut considérer que les gens se rendent malades eux-mêmes. En réalité, c'est l'astral, c'est-à-dire que c'est toute la mécanique qui dirige l'évolution de l'humanité depuis le début des temps. Des temps, ça veut dire depuis le début de la création du contexte spatio-temporel, parce qu'avant la création du temps, il y a bien d'autres choses. Mais ça, c'est pas immortel, c'est éternel, c'est en dehors du temps. Donc, depuis la création des temps, il y a des mécaniques de stagnation, c'est-à-dire que, si on résume brièvement, tout ce qui engendre la conscience mémorielle, la psychologie, la mémoire, les désirs, l'émotivité chez l'homme, tout cela fait partie des mécaniques qui forcent la matière à rester de la matière et qui forcent la lumière à ne pas pénétrer la matière. Ce sont des mécaniques qui forcent l'être-té humaine à rester un animal humain. Et quand un être humain, par exemple, parle de ses dieux, les dieux qui ont dans la majorité des cas, été créés par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme, ce sont toujours des divinités qui font tout pour que l'humain reste stagnant. Et si on regarde depuis le début de l'histoire humaine, donc depuis l'invention de l'écriture, on peut se rendre compte qu'effectivement, même les divinités ont toujours été contre l'homme. Il n'y a rien dans le ciel, il n'y a rien dans le monde des dieux, il n'y a rien dans le cœur de l'homme qui s'intéresse honnêtement au bonheur de l'homme. Il n'y en a pas. Les dieux ne s'intéressent pas au bonheur de l'homme. Dieu ne s'intéresse pas au bonheur de l'homme. Il sait toujours l'idée, de toute façon, on peut résumer facilement la création, par exemple, du point de vue biblique. C'est un parc d'enfants dans lequel on place deux jeunes de 6 mois. On leur met une arme à feu chargée dans le parc. Puis on leur dit, écoutez, jouez avec toutes les jouets, mais pas avec cette arme-là. Puis après ça, on s'en va. Mais quand on revient 6 mois après, probablement qu'il y en a un des deux qui est mort. Et là, on va punir l'autre. Ça fait partie des mécaniques de stagnation. Ça fait partie souvent des mécaniques de l'évolution. C'est Dieu qui vient planter son arbre de la connaissance du bien et du mal en plein milieu d'un jardin, puis qui spécifie toucher à tout, mais pas celui-là. Ben, si l'homme était créé comme Dieu, à l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu devait savoir que l'homme irait toucher. Si Adam ou Ève étaient le moindrement teflon, c'était disqué pas mal. Oui, mais en plus, apparemment créé à l'image et la ressemblance de Dieu, donc en partant, il fallait prévoir que Dieu aussi est un fouineur. Mais Dieu est créé à la ressemblance de l'homme. Ces dieux se sont nourris plus de la souffrance que du bonheur. Le bonheur est quelque chose qui nourrit l'esprit, alors que le malheur est quelque chose qui nourrit l'âme. C'est pourquoi dans la religion, par exemple, catholique, où on parle de sauver son âme, parce que l'âme, c'est la rare mécanique qui n'évolue pas dans le contexte humain, ça apprend, ça mémorise, ça a de l'expérience, mais ça n'a jamais de compréhension. C'est l'esprit qui comprend, c'est l'intelligence de l'homme, de la femme ou de l'enfant qui comprend, mais ce n'est pas son expérience qui comprend. L'expérience lui crée la peur chez lui. Et la peur, politiquement, on appelle ça la prudence. Mais c'est pas de la compréhension. C'est de la peur, c'est un stress de plus à travers la vie, qu'on appellera prudence, qu'on appellera expérience, ou ce qu'on voudra. L'être humain qui, quand je parle de bonheur, en réalité, on parlera de joie. L'être humain qui est joyeux parce que la joie, c'est spontané, c'est instantané, c'est supramental, c'est intelligent. Le bonheur, souvent, c'est un contexte mémoriel. Ah, ben, effectivement, si j'ai pas trop de problèmes, je suis heureux. Mais la joie, c'est quelque chose qui ne se mesure même pas, qui ne s'apprécie même pas, c'est quelque chose qui s'exprime. Alors, si on dit le bonheur, joie, c'est la même chose pour l'instant, on peut comprendre que le bonheur est une énergie qui va nourrir un esprit. Autrement dit, l'être humain joyeux est un être humain qui évolue. L'être humain qui souffre est un être humain qui comprend, qui apprend. Mais c'est un être humain qui n'évolue pas, c'est un être humain qui mémorise, qui prend de l'expérience, c'est un être humain qui s'assagit. À ce moment-là, nous faire passer de... par la souffrance en tant qu'être humain pour nous faire apprendre. Tu nourris les dieux, tu nourris le monde de la mort, tu nourris l'astral, tu nourris la psychologie planétaire, tu nourris les psychologies, les égos des humains comme les égos des dieux. C'est donc pas l'intelligence qui nous fait passer par ça. Non. C'est parce qu'on n'exprime pas suffisamment notre intelligence qu'on joue dans ce genre de jeu. Quand on parle de 1991, il y a des choses intéressantes, c'est pas au niveau des années, c'est au niveau simplement de la mécanique. Il y a de plus en plus de terrestrification d'intelligence dans le contexte planétaire, et elle est majoritairement exprimée, atterrie, au niveau du Québec. De ce fait, j'en ai parlé un peu en 90, mais j'en ai parlé aussi un peu avant, mais ce que l'on doit comprendre, c'est que l'être humain, il y a un temps. Il y a un temps pour chaque chose, et présentement, nous sommes dans un temps où les êtres humains qui ont la caractéristique de pouvoir supporter de l'intelligence, et ça, nécessairement, une personne qui vient de conférence de Daniel Kim est capable de supporter de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne viennent pas ne sont pas capables, mais ça veut dire qu'implicitement, ceux qui viennent, eux, c'est évident qu'ils sont capables. Ces personnes-là sont donc dans un temps où c'est un temps qui est dangereux. 1991, c'est une année dangereuse pour tout pour tout. Ça me semblait qu'il y avait bien du monde tantôt, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi? Pourquoi dangereux? Parce que c'est pas l'année elle-même. L'année, on s'en balance. C'est un temps où, présentement, les êtres humains qui ont de l'intelligence devront se botter les fesses, devront l'appliquer, devront se torturer pour l'appliquer, c'est-à-dire qu'ils devront torturer leur mémoire et leur ego. C'est une année où les gens qui ont de l'intelligence devront faire le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau. C'est une année où les individus devront arracher une peau, une vieille peau, devront muer, donc muter. C'est une année où les individus devront renaître, donc se mettre au monde eux-mêmes. C'est une année où les individus devront abandonner tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est habituel, tout ce qui est génétique. C'est une année où les individus devront se permuter, devront se permettre de muter pour exprimer la totalité de ce qu'au fin fond de leur intelligence, de leur conscience, ils savent être et ils veulent être. Même la majorité des égos ici veut être ça, mais la majorité des égos fait tout pour ne pas le devenir parce que la majorité des égos n'y croit pas suffisamment et en a peur. Les êtres humains sont foncièrement, tous les êtres humains de la planète ont suffisamment d'intelligence pour qu'on puisse reconnaître la bonté chez eux. Sauf qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas suffisamment de caractéristiques, soit génétiques, soit énergétiques, pour exprimer leur intelligence. Donc, ils vont exprimer des mécaniques psychologiques, des stéréotypes et des archétypes, des vieilles formes, des formes collectives. 91, c'est une année où la majorité des êtres humains vont être, pas de terme qui va être facilement compris, où vont, les êtres humains vont être élus. Mais c'est pas des élections. Est-ce que c'est une année de... Parce que tantôt, tu as dit qu'il va falloir qu'il fasse le choix de l'homme nouveau. On n'a jamais eu de livre d'arbitre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer à en avoir par rapport à ce choix-là? Est-ce que les... Parce que l'an dernier, tu as dit à la conférence, la première conférence de 1990, qu'on entrait dans un temps où il allait comme s'arrêter de tourner le temps finalement, puis qu'on allait pouvoir tranquillement commencer à avoir un peu de développement au niveau de la conscience. Ben c'est ça, c'est que l'être humain, du point de vue astral, du point de vue de l'âme, du point de vue psychologique, du point de vue de toutes ses mémoires, du point de vue de ses réincarnations, l'être humain est un être totalement manipulé. La pensée chez l'humain n'appartient pas à l'humain. La pensée est un phénomène qui manipule l'homme, qui manipule la femme, qui manipule l'enfant. La pensée est... Si la pensée, c'est simplement un récepteur qu'on a chez nous qui reçoit les ordres venant de quelqu'un qui émet à l'extérieur. Puis ça, je le répète encore assez souvent, c'est facile de voir que la pensée ne vous appartient pas, que vous n'avez jamais pensé de votre vie, que vous ne penserez jamais de votre vie, mais que vous êtes fait à l'os, même à la tombe, à chaque fois que vous croyez que vous pensez. Et c'est très facile de constater, c'est que chaque fois que vous voulez arrêter de penser, vous ne pouvez pas. Chaque fois que vous voulez penser à autre chose, vous devez travailler, mettre de l'énergie pour contrôler la pensée. C'est vous le contrôleur. La pensée, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme. On veut dormir, ça passe dans notre tête, on ne peut pas dormir, ce n'est pas vous qui pensez. Et ça, c'est extrêmement important que l'humain, sur cette planète, finisse par comprendre qu'il est investi d'une pensée, mais que ce n'est pas lui qui pense. La pensée, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'enfant. L'émotion, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme et ce n'est pas l'enfant. Les peurs, ce n'est pas humain. La souffrance, ce n'est pas humain. La jalousie, ce n'est pas humain. Ça ne fait pas partie de l'homme. Ça fait partie de la mémoire de ce qui a créé l'âme chez l'homme. Même l'âme n'est jamais humaine. Une âme, ce n'est pas humain. Une âme, c'est nécessairement toujours quelque chose de mémoriel, quelque chose de stagnant. L'âme, c'est quelque chose de passé, alors que l'être humain, l'homme, la femme ou l'enfant, c'est quelque chose qui est minimum instantané vivant et qui devrait être tourné vers l'avenir. Alors que l'être humain est totalement manipulé par le phénomène de la pensée qui l'oblige toujours à se tourner vers le passé, à haïr, à détester, à ne pas pardonner. Il y en a qui pardonnent, mais ils n'oublieront jamais qu'ils ont pardonné. Donc, finalement, ils n'ont pas fait grand-chose. Et l'être humain pense continuellement comme ça. L'être humain n'arrive pas à connaître. Je regarde les individus que je connais. Est-ce que je les connais ou maintenant si je les sais? Je rencontre quelqu'un ce soir et je peux me dire, wow, encore cette personne-là. Ben oui, c'est dans ma pensée. Mais ça veut dire que je me fie à la mémoire du passé. Mais si elle a changé, de toute façon, avec ma pensée, je ne l'autoriserai pas à changer. Et si en plus elle le pense, elle ne peut pas s'autoriser à changer non plus. Il y a des individus qui sont de très grands amis, qui font partie de mes très grands amis, et qui en même temps sont investis d'une pensée, et cette pensée-là fait partie de mes plus grands ennemis. Mais les individus ont le temps, c'est 91, ça s'éternise un peu en 92, j'appelle ça l'éternisation, parce que c'est long. Sauf qu'on doit commencer quelque part. Présentement, ce qui regarde la psychologie humaine, vous chiolez quand il pleut, pas vous autres, là, mais on vous manipule, c'est la pensée. Vous êtes heureux parce que vous gagnez à la loterie, c'est pas vous autres, ça, on vous manipule encore une fois. Parce que plus vous serez heureux, plus les autres pourront souffrir de votre bonheur. Et l'être humain, c'est quelque chose d'autre, c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est de l'instantanéité, c'est de l'intuition spontanée qui ne fait pas référence à de la sagesse, à de la connaissance, qui ne fait pas référence à de l'expérience. On sait, et on sait en maudit, on le sait. Est-ce que c'est parce qu'il y a une plus grande quantité d'énergie ou d'intelligence qui descend sur le plan terrestre qu'on va être obligé de faire le choix? Oui. Est-ce que c'est condensé, ça condense? Bon, ce qu'on doit comprendre, premièrement, c'est ça, c'est que... Il y a chez l'humain qui est investi de pensée une obligation à exécuter les ordres donnés dans leur pensée par des mécaniques de manipulation sur lesquelles, à un moment donné, on viendra, mais que je touche surtout au niveau du séminaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on vous dit « Lève-toi et sors ». Ben, vous n'êtes pas un imbécile. Vous n'allez pas écouter quelque chose qui vous dit comme ça dans votre tête. Alors, l'astral va venir vous dire je me lève, puis je m'en vais. Alors là, ça, vous allez écouter. Parce que vous allez vous dire, écoute, c'est ça que je pense. Le mot « je », le mot « moi » fait partie de l'illusion de l'évolution. L'être humain n'est pas limité à un « je » et à un « moi ». Les humains recherchent une conscience absolue, une conscience cosmique, alors qu'ils veulent continuer à être quelqu'un, à être un « je » ou un « moi ». Je suis moi-même par rapport à vous autres, donc je suis moi-même parce que je ne suis pas vous autres. Mais le moment donné, le moindre moment donné où je vais vouloir finir par expandre ma conscience, je ne peux pas expandre ma conscience en repoussant ce qui existe. Donc, si je fais cela, je vais simplement agrandir mon vide. Si j'expande ma conscience, je dois inclure. Si j'ai inclus, je dois de plus en plus détruire l'idée du « je suis moi-même parce que je ne suis pas le reste ». Donc, à un moment donné, je vais finir par être « je m'en fous ». Ce ne sera plus important. Est-ce que je suis l'ami de Charles ou si simplement je suis dans un contexte d'évolution de vie, d'ascension ou d'énergification qui inclut la présence de Charles? Donc, je n'ai plus besoin d'être je, d'être l'ami de Charles. Ce sont des choses qui font partie de l'énergie. Ça fait partie du « c'est évident ». On ne parle pas du « c'est évident ». Chaque jour, je ne me réveille pas en me disant « il ne faut pas que j'oublie de respirer aujourd'hui ». C'est évident. Donc, j'oublie. L'évolution mémorielle ferait en sorte que je devrais toujours m'en rappeler. D'où perte d'énergie, d'où stress, d'évolution, conscient ou inconscient. Nous sommes présentement dans un bloc de temps où la force supplémentaire, donc l'intelligence de l'homme, de la femme et de l'enfant, de l'intelligence qui n'est pas encore tout à fait humanisée, qui n'est pas matérialisée, qui n'est pas terrestrifiée, qui n'est pas atterrie, mais qui s'en vient. Cette intelligence-là, le plateau tourne manipulé par l'astral. C'est un disque qui joue à l'envers. On est habitué à entendre chanter. C'est la tradition. Ça a toujours été comme ça. On ne comprend rien de la tradition. Ça ne nous explique jamais de l'avenir. On ne sait jamais rien d'autre. Mais on est habitué. L'intelligence supramentale, c'est un vecteur qui amène de l'énergie qui ralentit progressivement le disque. Donc, lui tourne comme ça. Et progressivement, l'énergie vient s'opposer à la giration du disque sur lequel on est. Et lentement, il ralentit, il ralentit, il ralentit. À partir de 90, le disque arrive à un ralentissement tel que les êtres humains qui ont de l'intelligence auront la capacité, pendant quelques années, d'appliquer dans le contexte planétaire une forme de libre-arbitre qui pourra permettre de changer pour eux tout le contexte d'évolution. Ils pourront même courber l'espace-temps à un point tel qu'ils pourront se retrouver dans quelques années. Et il y a plein de choses. À un moment donné, l'énergie supramentale va totalement arrêter la giration du plateau sur lequel l'humain est placé. Là, ce sera le temps de bouger. Mais seuls ceux qui seront prêts à bouger comprendront que ce sera le temps de bouger. Sauront où aller. Pas auront appris où aller. Non, pas auront appris où aller. Sauront où aller. Seront pas avant, seront pas avant. Mais exprimez l'intelligence, puis exprimez ce que vous êtes vous. Puis à un moment donné, l'intelligence va commencer à refaire tourner le plateau dans l'autre sens. Et là, le libre-arbitre va recommencer à disparaître. C'est comme si on était encore accolé sur le bord du plateau par la force centrifuge. Mais on aurait eu le temps de se placer là où on doit être placé. Ça arrive de temps en temps dans l'histoire évolutive des humanités. C'est très rare. C'est arrivé à la fin de l'Atlantide, c'est arrivé à la fin de la Lémurie, c'est arrivé à la fin de l'Hyperborée, c'est arrivé à la fin de la Terre Blanche, et ça arrive à la fin de l'Europe. Quand on parle de l'Europe, on parle des races indo-européennes, dont vous êtes en majorité descendants de la race teutonique anglo-saxonne, et en train de pénétrer dans la sixième race mère. Puis les races, les termes. Aujourd'hui, les États-Unis et la Saddam Hussein ont accepté de se rencontrer à Genève le 9 juin. Oui, comment Saddam Hussein a pris de l'ampleur. Les États-Unis, c'est un pays, puis on le compare à un individu. Oui, ouais, c'est à peu près ça. Pas l'Irak. C'est à peu près ça. Ah, ouais. Parce que c'est lui qui décide s'il fait sauter ou pas les bombes. C'est pas George Bush puis Saddam Hussein. Les États-Unis sont en guerre contre Saddam Hussein. Parce que, ben je l'ai dit comme ça, parce mais que oui, mais c'est comme ça que ça s'est vécu. C'est le Congrès américain qui décide si Bush peut aller négocier. Oui, puis c'est Saddam Hussein qui décide. Les Irakiens vont se battre. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les deux ont accepté de se rencontrer à Genève le 9 janvier. Ils n'ont pas accepté de se rencontrer. Oui, ils ont accepté. C'est ce qu'on dit. En tout cas. Est-ce que c'est un signe d'intelligence? Non, c'est un signe de manipulation. sont manipulés par quoi? Par l'astral ou l'intelligence? Là, tu vas me dire, s'il y a une guerre, ils sont manipulés par l'astral. S'il n'y a pas de guerre, ils sont manipulés par l'intelligence. Vois-tu, les historiens sont des personnages qui ont toujours écrit en fonction de leur vision émotive, de leur désir, donc de leur colère. Les historiens qui ont écrit l'histoire de l'an 1900 à l'an 2023 sont des historiens qui sont restés colorés. À partir de l'an 2047, les historiens finissent par être beaucoup plus rationnels. Les personnages du passé qui, à un moment donné, ont eu accès à certains écrits de ces historiens ont été appelés prophètes. Dans l'un des livres d'histoire des années 90 à l'an 2000, on prévoit qu'il y aura une attaque massive des forces américaines sur l'Irak au mois de mars ou avril 91, et qu'en dedans de près d'une semaine, ils auront rasé l'Irak. Et on prévoit qu'en 92-93, c'est le monde musulman au complet qui se lève contre l'humanité. On prévoit un renversement de l'Union soviétique, ce qui va faire en sorte que le plus ou moins allié soviétique-américain va finir par se retirer. Les soviétiques deviendraient les alliés des musulmans, entreraient en guerre contre les États-Unis d'Amérique, qui auront une mission, celle de protéger le Québec, qui à l'époque sera suffisamment individualisée. On va pas dire c'est pas... Et par la suite, le plan soviétique finirait par être investi d'un personnage très près de ce que l'ésotérisme appelle le grand monarque et qui va obliger les États-Unis, à l'URSS à se réassocier, mais pas l'URSS, la Russie, pardon, parce que l'Union des républiques socialistes soviétiques sera suffisamment amortelée, c'est la Russie. Elle va s'associer aux États-Unis d'Amérique pour préserver l'intégrité du Québec contre le monde astral, qui sera totalement fusionné dans un Allah, ou Allah, comme je te pousse à l'époque, et il devrait normalement, vers les 99, y avoir une attaque massive pour mettre fin à l'évolution de l'ère du poisson, à l'évolution pisséenne méritoire, bref, à la farce. À partir de l'an 2000, aller jusqu'à l'an 2013, il va y avoir une restauration de la conscience astrale de l'homme, c'est-à-dire que l'humain va avoir tellement été ébranlé que l'humain n'aura plus la capacité psychologique de croire en quoi que ce soit, ce qui va faire en sorte que l'humain va rechercher la mort à plus finir, il va se suicider, il va se droguer. Et à partir de l'an 2013 jusqu'à l'an 2023, il va y avoir progressivement un retour de certaines personnalités qui sont des êtres humains d'aujourd'hui, qui vont venir commencer à appliquer des choses qu'ils savent depuis longtemps, mais ce n'est pas le temps présentement. Et à partir de l'an 2023, eh bien, on devrait, selon les livres d'histoire, avoir maintenant affaire à une planète totalement renouvelée, totalement changée. Il n'y aura plus la même face dessus. Et ce n'est pas sûr qu'on pourra encore l'appeler la planète bleue. Après des années, comme tu viens de décrire, je ne suis pas sûr, moi non plus. Mais ça va être bien. La problématique, c'est qu'il n'est pas essentiel, chaque fois que le projet humanité a été installé, et l'humain a comme fonction de créer une mécanique matérielle capable de recevoir tous les autres plans de la création pour parvenir à engendrer une résorption de la création. Chaque fois que le projet humanité a été implanté, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que lorsque l'humain est arrivé à un plan ou à un point de son évolution où il pouvait parvenir à recevoir, à rentrer en contact avec ce qu'il est lui-même, il avait une évolution technologique et une puissance d'astralité telle qu'à chaque fois, les humanités qui ont été essayées se sont autodétruites. De ce fait, il n'y a pas présentement d'extraterrestre dans la création qui est descendu au point où nous sommes descendus, nous, qui est remonté après. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que chaque fois que ça a été tenté, ils se sont autodétruits, rendus à un moment donné. Alors, les extraterrestres que l'on rencontre sont les extraterrestres qui sont en phase d'évolution, qui ont deux intérêts de rentrer en contact avec l'humain, piller sa génétique physique, ce que les mécaniques et le chimique vont faire, entre autres, ou entrer en contact avec l'intelligence de l'homme, s'associe à l'humain, ce que la mécanique supramentale va faire. Lorsque c'est pas d'autodestruction qu'on fait aussi en polluant, en probablement provoquant des guerres, s'il y en a eu, ou des famines, ou des maladies comme le sida. Ça, c'est pas d'autodestruction. Non, c'est pas d'autodestruction parce que ce n'est pas créé par l'homme. Ce n'est pas comme le sida est une bombe à retardement qui a été placée par les Élorins il y a quelques millions d'années. Parce que lorsque l'humain deviendrait trop puissant pour commencer à vouloir se dissocier de toutes les mécaniques et l'œimique, jaïvique ou iavique, fallait que l'humain, c'est une bombe génétique, puis il y a d'autres bombes génétiques qui nous attendent aussi dans les années à venir, qui fait qu'à un moment donné, ça a toujours été là, puis subitement, pouf, ça commence à être opérationnel et ça commence à tuer des humains. Ça, il y a plusieurs maladies comme ça qui ont été engendrées directement ça, parce que l'humain est les dieux. C'est pas de l'autodestruction. C'est de la divino-destruction. Pas de l'autodestruction. L'humain est manipulé. 91, pourquoi c'est une année qui est dangereuse? C'est dangereuse. Dangereux. C'est une année où, grosso modo, la majorité des êtres humains qui se conscientisent devront apprendre certaines choses. Quand je dis apprendre, en réalité, c'est qu'ils devront être initiés à certaines choses. Ils devront, on va dire apprendre pour initier, c'est plus facile à comprendre, ils devront apprendre ce qu'est la peur. Ils auront plus que qu'ils auront en 95. Ils devront commencer. À apprendre ce qu'est la peur. À apprendre à rencontrer la peur et à apprendre à contrôler, qu'en réalité contrôler, ce sera digérer la peur. Quand un être humain a peur, c'est uniquement parce que l'intelligence qui l'habite est confrontée avec l'anti-homme qui l'habite. Vous allez dans une ruelle de Montréal, vous êtes chez vous, vous êtes n'importe où, puis subitement vous avez peur uniquement de ce qui chez vous peut être projeté à l'extérieur et vous le découvrez. La peur est uniquement un principe de projection de l'anti-homme, des mécaniques d'involution qui ont été placées chez nous. Mais si tu as lu le journal le matin puis qu'il y a eu un meurtre dans une ruelle, tu projettes qu'est-ce que tu as lu, parce qu'est-ce qui est arrivé, c'est les et autres. Et c'est la laideur chez toi qui est exprimée à l'extérieur, puis c'est elle que tu vas reconnaître comme étant la peur. Mais c'est pas aussi la mémoire de l'événement qui est arrivé sur d'autres. Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que tu vas lire le même journal, tu vas lire la même affaire, tu sors dehors, tu n'auras pas plus peur. Puis deux ans après, là, ce coup-là, tu n'auras pas. Dépendamment de ce qui aura été fait. C'est un état qui nous est propre. La peur est uniquement un baromètre de la laideur qui nous habite. Et c'est évident que les individus qui recherchent l'évolution vont toujours rechercher des contextes où ils n'auraient pas peur. Des contextes beaux, des monastères, des cités d'or. Pourquoi? Parce que si on n'a pas peur, c'est qu'on est évolué. Alors que les événements qui peuvent venir sont des événements qui vont faire peur à l'humain, pour que l'humain puisse rejeter ce qu'il n'est pas lui, son anti-homme. En 91, l'humain devra apprendre, plusieurs personnes vont apprendre ce que c'est que la peur, et est-ce que le pas doute? Qu'ils vont avoir peur. Ce que je dis, c'est qu'ils devront progressivement, on va en reparler au cours de l'année, devront travailler une mécanique qui va leur permettre de parvenir à ne plus avoir peur. Est-ce que le doute fait partie de la peur? Dans plusieurs cas, oui, mais dépendamment de ce qu'on veut dire par doute. Et je doute que ce que tu aies dit soit le bon. Le doute de sa propre capacité, parce qu'on a parlé souvent d'être oui, soi-même. Oui, le doute de sa propre capacité est une peur. Okay. C'est une guerre intérieure entre ce que vous n'êtes pas et ce que vous êtes. Ce qu'on sait qu'on est, puis ce qu'on n'est pas capable de faire. Oui. Donc, l'humain devra connaître la peur. Apprendre à la chevaucher, à apprendre à la digérer. En 91, ce qui est très important, c'est que les êtres humains qui se conscientisent devront absolument apprendre à assumer leur solitude. C'est le temps. Pourquoi? Parce que l'évolution supramentale, l'évolution de conscience, c'est une mécanique qui se fait seule chez soi. Quand je parle chez soi, je parle à l'intérieur de votre intelligence, de votre ajusteur de pensée, de votre cerveau, de votre cœur. Ça ne se fait pas collectivement, Ça ne se fait pas à deux. De ce fait, l'être humain qui se conscientise ne saura jamais assujetti à Daniel Kemp, à moi. Il ne pourra non plus jamais être assujetti à quiconque. Il pourra être l'allié de quelqu'un, il pourra être l'ami de quelqu'un, il ne pourra jamais être son disciple. Et ça, ça crée une problématique. Ça crée la problématique qu'à un moment donné, tu poses des questions et tu vas avoir une réponse, mais à un moment donné, il n'y aura plus personne pour te répondre. Et la vie ne vous répondra pas. Rien. Vous allez devoir vous asseoir énergétiquement. Attendre. Attendre que ce soit clair. Et ça, l'humain devra apprendre à assumer sa solitude. Et l'humain devra apprendre à appliquer dans la réalité des choses ce qu'il sait. Vous savez, la majorité des êtres humains sur la planète Terre ne savent pas vivre. Ils ne peuvent pas savoir vivre parce qu'ils vivent comme ils ont appris à vivre. Ils connaissent des mécaniques de vie. Ils ont des modes de vie. Ils ont des habitudes de vie. Ils ont des façons de faire, des façons de vivre, des façons d'être heureux, des façons d'être malheureux, d'être jaloux, d'être choqué ou d'être en joie. Ils ont des philosophies de la vie. Mais ils ne savent pas vivre. Ils ne savent pas vivre parce que les humains ne savent pas mourir. Alors, ils ont peur. Il est évident que le meilleur des savoir-vivre est le savoir-mourir. Quelqu'un qui sait mourir, sait vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, consciemment, de toute façon, si à un moment donné, on règle l'idée qu'un jour, probablement un jour, probablement, attendons que ce n'est pas certain, mais probablement, disons que, qu'un jour tu vas mourir. Vous allez tous mourir, physiquement. Et ça, ce n'est pas clair pour personne. On ne le sait pas. Quand on... Si on saurait que probablement qu'un jour on va mourir, alors on n'aurait plus peur de la guerre. Alors, on aurait plus peur de risquer notre coup. Alors, on aurait plus peur de perdre notre argent, perdre notre maison, perdre nos choses. D'un jour ou l'autre, on les perdra. Alors, maintenant que c'est réglé, maintenant qu'on sait mourir, on saura vivre. Alors, maintenant, on pourra utiliser le temps de notre vie autrement que de passer ce temps-là à être inquiet, à espérer que les choses n'arriveront pas, à se demander comment faire ou qu'est-ce qui va arriver. Puis, on pourrait maintenant commencer à s'en servir. Et celui qui sait se servir de la vie, se sert de la vie. Et la vie le sert. Et l'humain, ça fait partie du processus du miracle qui s'adresse uniquement à l'homme, la femme ou l'enfant qui fait partie de l'ère nouvelle, qui se conscientise. Il y a un bonhomme, à un moment donné, qui disait à un jeune, il lui a planté la tête dans un lac, puis il le laissait dedans jusqu'à temps que l'autre se noie quasiment, puis en quand il l'a sorti, il lui a dit, « Si... tu veux évoluer autant que tu voulais avoir de l'air quand tu étais dans l'eau, alors tu évolueras. » Sauf que dans un contexte trop doux, on ne le fait plus. Je dis souvent à certains séminaristes, ce que vous apprenez présentement, c'est fondamental. Il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui, à travers des milliers d'années, ont passé leur vie, ont perdu leur vie, pour arriver à, pour essayer simplement de toucher ce que présentement vous avez. Sauf que ça n'a pas de valeur pour vous parce que vous avez passé deux jours pour l'acquérir. Vous avez peut-être payé 100, 200, ou 300 ou 400 $ pour l'acquérir. Alors que vous êtes prêt à le recevoir. Il faudrait qu'on vous charge 20 000 $ puis qu'on vous fasse souffrir pendant 2 ans, et après on vous donnerait la même chose, et là, ça aurait de la valeur. C'est ridicule. Et c'est la problématique de ne pas mettre en application ce que l'on fait, ce que l'on sait. C'est de ne pas croire à ce qu'on est et à ce qu'on fait aussi. Ça revient au même doute que tantôt. Finalement, si on est capable d'éliminer ça, de la mort aussi, on en doute, finalement. Ben exactement. C'est ce que tu disais tantôt. Mais en même temps, la majorité des humains sont assujettis à la peur de la mort. Ce qui fait qu'on va s'inquiéter, par exemple, qu'il y ait une guerre civile au Québec à cause des Indiens ou à cause d'autres choses. On va s'inquiéter de savoir si on aura suffisamment d'argent ou pas suffisamment d'argent. Regardez, mettons qu'il y a une grosse récession, il y a une TPS, il y a une TPS-PS, il y a tout ce que vous voudrez. Qu'est-ce qu'on fait? On s'associe. C'est très simple. Puis, plus de problème. On aura le temps et l'argent sans s'associer. Comment on va faire quoi? Hé, imaginez! Imaginez que vous embarquez dans un petit aéronef, vous sortez, vous voyez la Terre de loin. Puis là, le conscientiser que là-dessus, il y a plein de bébites, des milliards de bébites. Puis dans ces bébites-là, il y en a qui osent s'appeler humains. Ils sont tout seuls. Puis regardez les autres soleils, puis regardez ailleurs. Ils sont tout seuls, perdus sur une planète bleue. Tout seuls. Qui leur dit quand se lever? Personne. Qui leur amène la nourriture? Personne. Ils se sont associés. Sinon, ils seraient morts depuis longtemps. Puis dans leur association, ils ont fini par penser que c'était une association de l'absolu. Alors, ils se rendent plus compte que les ponts, les hôtels, les bâtisses, c'est des humains qui les ont bâtis. Si nous, on s'associe et on décide qu'on crée une nouvelle civilisation, les gens n'y croiront pas. Ils vont y croire peut-être spirituellement, émotivement. Mais ils ne croiront pas qu'ils sont capables de créer. Parce qu'ils sont nés dans un monde déjà créé, mais créé par l'homme. Créé par des individus qui un jour sont arrivés ici en colonisant. Des colons, des yaks de colons. Ils ont dû couper des bois. Quand vous sortez de l'île de Montréal, vous voyez plein de plaines et plein de champs. C'était de la forêt, avant, comme le parc de Laurentides. Alors ils ont coupé les arbres. Les arbustes, ils ont dessouché, ils ont ôté les pierres, ils ont déraciné, ils ont cultivé. Progressivement, ils ont bâti des petites usines, des moulins pour moudre leur farine. Progressivement, ils ont bâti des maisons, du luxe, du confort. Et les forces d'involution, amenées par la religion souvent, disaient « Le confort, le luxe, on n'a pas droit à ça. » Ça a mené des hôpitaux, ça a mené des écoles meilleures. Ça a mené que nous avons de plus en plus de confort qui nous permet d'être de plus en plus évolutifs. On en a besoin. Et le moindrement qui arrive, un petit hoquet planétaire, l'humain a peur. Parce que l'humain oublie. Vous savez, la quantité de gens qui se trouvent ici ce soir, il y aurait un holocauste planétaire global et complet, il reste juste vous autres. Si vous savez vous associer, pas vous chicaner. Si vous savez vous associer, et dans quelques milliers d'années, il y aura autant d'humains sur la planète. Il faudra s'associer souvent. Sauf que l'humain va rapidement se chicaner. N'oubliez pas que vous êtes de l'intelligence. La lucidité s'exprime progressivement. 91, c'est une bonne année, c'est une bonne marque pour faire pour créer des êtres humains intelligents, des êtres humains qui vont se mettre au monde. Ceux qui sont déjà au monde peuvent en profiter pour se remettre au monde. Oui, oui. Parce que 91, on va en bénéficier à la condition qu'on s'arrange pour pouvoir en faire une année dangereuse. L'année est dangereuse. Pourquoi? Simplement parce que si vous comprenez ce que je dis, puis si vous n'appliquez pas ce que vous savez, vous allez vous faire taper dedans. Pas par moi. Moi, j'ai bien d'autres chats à fouetter. Mais la vie est comme ça. T'en sais quelque chose? Un peu. Il y a d'autres ici dans la salle qui en savent quelque chose. Qui ont cru savoir, qui n'ont pas appliqué, puis qui ont payé le prix. Il y en a même qui pensent qu'il ne leur reste rien. C'est les autres qui ont transféré ce qu'il y avait. Ne pouvant être à la hauteur de conserver leurs acquis, ils les ont transférés. Ça circule, ça. Oh, ça va revenir. Quand l'humain va être prêt. Puis tout le reste qu'ils ne connaissent pas encore, ça va être là quand l'humain va être prêt. Il y a un de mes amis, à un moment donné, qui disait, écoute, si on voudrait en faire une, mettons, un village pour réunir seulement les êtres humains qui se conscientisent, ben, de l'argent, on en a en masse, le faire. Alors, quelqu'un lui disait, ah oui, où tu le prends? Ben, dans les poches du monde, tout le monde en a de l'argent. C'est vrai. L'alliance. Sauf que les êtres humains s'allient toujours émotivement. Et c'est pourquoi vous devrez passer par le processus de la solitude. on s'allie si on est capable de ne pas être coloré par notre alliance. On ne peut pas être allié si on est colorable par notre alliance. Quelqu'un qui veut s'allier avec moi et qui est comme à côté de moi devient totalement un imbécile. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de lui sauf pour qu'il suive mes souliers. Il réfléchit. Il réfléchit plus d'intelligence. Alors que quand il était loin, il était capable de réfléchir de l'intelligence. Donc à la longue, il finirait par l'intégrer et la rayonner. Ben lui, nécessairement, je vais être un peu avec lui. Pour qu'il s'éloigne. Mais à un moment donné, s'il a la capacité de comprendre ce que c'est qu'une alliance, il doit s'allier avec lui-même puis se rapprocher de d'autres individus qui ont de la conscience. Oui, mais là, on fait quoi maintenant qu'on est ensemble? On le sait pas, on n'a rien à foutre. Soyons spontanés, soyons prêts à bouger. Quand il pleut, on met la toile. Quand il pleut moins, on l'ôte. Faut pas des réunions pour prévoir qu'on va la mettre quand il va pleuvoir. Quand il va faire froid, on va chauffer. C'est simple. Mais les égaux, ils veulent s'allier pour aller chercher de la sécurité. Alors qu'on ne s'allie pas pour la sécurité dans l'évolution, on s'allie simplement pour la force, pour engendrer de la puissance. Puis la puissance, si ce n'est pas astralisé, ça ne devient jamais du pouvoir. 91, c'est une année formidable. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements à l'échelle du Québec, à l'échelle du monde, qui vont permettre l'association entre les êtres qui se conscientisent. Profitez-en. Ah oui, mais vous allez dire, oui, mais je ne sais pas si c'est la bonne place ou pas. Mais ça, c'est sûr, ça. Allez voir. La seule façon de savoir si l'eau est salée ou sucrée, c'est d'écouter. Oui, mais j'y étais, puis j'ai perdu. Vous ne perdez rien. Parce qu'au minimum, si vous avez perdu un petit peu, ben, vous n'aurez pas perdu votre vie. Il faut que ça serve à quelque chose d'être ici. La personne, elle doit y aller d'une façon... là. Progressif, par l'intelligence. Fiez-vous à votre intuition. Et que c'est beau! Puis en dedans, ça vous dit que, allez-y pas. Fiez-vous à votre intuition, pas à vos yeux. Parce que vos yeux passent, amènent de l'information qui passe par l'ego, par l'astral, par les désirs et par la pensée, par la manipulation. Fiez-vous pas à ça. Fiez-vous à votre intuition. Vous avez peur, puis vous avez l'impression que vous allez manquer le bateau si vous embarquez pas. Achetez le billet. Quand ça sera le temps d'embarquer, vous pourrez embarquer. Et vous serez peut-être capable de décider si vous vous êtes fait avoir ou non. Si vous vous êtes fait avoir, tout ce que vous aurez perdu, c'est le billet. Si vous ne l'avez pas acheté, tout ce que vous aurez perdu, c'est le bateau. Mieux vaut risquer un peu. Mieux vaut essayer. Moi, j'ai perdu... Depuis que je suis au monde, dans cette vie-ci, j'ai passé la majorité de mes années à perdre. Et chaque fois que je perdais, je gagnais 1000 fois plus. La dernière fois que j'ai perdu, il y avait plein de personnes qui me disaient, finalement, c'est un échec. Tu sais, c'est dommage, hein? C'est 2-3 années de travail perdues comme ça. Et moi, je leur disais, écoutez, au départ, c'était prévu que c'était une école pour apprendre. J'ai appris énormément. J'ai peut-être sauvé 20 ou 25 ans de ma vie. J'ai perdu 22 000 $ et j'avais 19 ans. Puis je m'en fous. Parce que au départ, c'était d'apprendre. Si, par exemple, on crée une association dans le but d'évoluer, dans 3 ans, ça se dissout. Ah, j'ai fait fourrer. Avez-vous évolué ou non? Ben oui, c'est sûr. Mais moi, je m'attendais à ce qu'on fasse un peu d'argent ou je m'attendais à ce que... Le point de départ, c'est quoi? Pourquoi vous êtes vivant? Pourquoi vous êtes sur la Terre? Savoir. Pas pour ramasser. Ramasser, c'est un outil. C'est intéressant, ça va vous permettre d'être plus confortable dans votre démarche vers le savoir. Mais on ne doit pas perdre notre temps pour préserver l'outil au détriment même de l'avenir de la fonction, du rôle. Votre vie est ce qu'il y a de plus important. Et quand je parle de la vie, de votre vie, je ne parle pas du fait que votre cœur bat. Je parle de votre présence vers la fin de ce 20e siècle, aujourd'hui, maintenant. C'est important. C'est ce qui a le plus de valeur. Qu'on perde la vie du corps physique, c'est pas tellement grave. Qu'on garde la vie du corps physique et qu'on fasse rien avec l'événement vie, c'est problématique. Parce qu'en plus, on souffre, on perd, on gagne, on marche, on broute, on revient. Tu sais, la majorité d'entre vous, vous avez goûté un peu à ce qui vient. Et on va dire que ce qui vient, c'est un gâteau. Sauf que ce que vous avez goûté, c'est à la farine. Elle n'est pas cuite. C'est un morceau du gâteau. Mais ce n'est pas intégré dans le gâteau. Et à un moment donné, après une désillusion, vous continuez à avancer et subitement, vous goûtez. Ah là, c'est le gâteau. Vous goûtez à de la graisse. C'est encore un élément qui va être dans le gâteau. Ce n'est pas le gâteau. Et là, vous glissez dedans pendant combien d'années? Et à un moment donné, vous allez goûter peut-être au sucre, à d'autres ingrédients. Ça fait toute partie du gâteau. Ce n'est pas le gâteau. Puis à un moment donné, vous allez arriver et vous allez dire, j'ai goûté à tous les ingrédients, donc je sais comment va être le gâteau. Le gâteau va être cuit. Donc, vous ne savez toujours pas ce que c'est que le gâteau. Vous avez connu la farine, vous avez connu le sel, vous avez connu tout ça. Mais tout mélangé ensemble, pas cuit, c'est vraiment pas le gâteau. Alors, même quand on a tous les ingrédients, on ne sait rien. Tout ce que vous pouvez savoir, c'est que vous êtes prêt. Prêt dans le sens distant. Vous êtes proche. Et à un moment donné, ben, c'est évident qu'on va traverser. 91, on doit en profiter. Pourquoi? Parce que il y a des êtres humains qui vont atterrir de l'information utilisable. Il y a des mouvements québécois qui vont permettre l'association des individus. Il y en a un en janvier, il y en a un en février à Québec, il y en a un en janvier à Montréal. Ce sont des bonnes choses. Il y aura plein d'autres choses en 91 qui vont faire en sorte que les individus auront la possibilité de faire des pas. Et je ne dis pas qu'on ne se fera pas tromper dans certains pas. Mais une chose certaine, c'est qu'on se fait tromper royalement si on ne bouge pas. Vous savez, quand le bateau va partir, là, moi, savoir que c'est le bon bateau. T'sais. Puis moi, je n'embarque pas dans n'importe quel bateau. Je veux être sûr que c'est le bon. Puis subitement, ben, le bateau décolle. Ah, c'est le bon! Je suis pas de bête, par exemple. Ben, je sais que c'est le bon, mais j'aurais dû. S'ils mettent le feu aux réserves de pétrole dans le Golfe Persique, on pourrait faire cuire le gâteau en 91. Oui, surtout ça va obscurcir probablement assez puissamment le ciel de la partie nord de la planète. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en 91 ou on approche à une période de... Oh, on approche. Il y a un historien qui dit effectivement que Saddam Hussein se retire après un conflit puis qui fait sauter les réserves pétrolières du Koweït. Et ça devrait brûler quelques années. Mais en tant qu'individu, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est à l'étape de faire cuire notre gâteau? Ou est-ce qu'il nous reste encore à découvrir bien des savoirs? Tu veux que je te réponde comme si je parlais à ton intelligence aussi, comme si je parlais à ton ego? Ben, comme si je parlais à l'ensemble de l'intelligence moyenne. Parce que c'est une grosse question que je pose là, parce que pour vous, ce sera la même chose. Qu'est-ce que vous voulez savoir de la vie? Quelque chose qui va plaire à votre ego? Ou de non. La réalité qui va nourrir votre intelligence? Et après, vous allez être capable de l'ajuster à votre ego. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Une réponse intelligente. La réponse à la question. Est-ce qu'on est rendu à l'étape, est-ce qu'on a goûté à tous les éléments du gâteau, ou presque? Est-ce qu'on est rendu à l'étape de le faire cuire? Réponse intelligente. On n'a rien à foutre de savoir si on est prêt ou pas prêt. L'important, c'est que nous, on continue à travailler en fonction de se retrouver soi, puis d'exprimer ce que l'on est. Parce que l'évolution est exponentielle, tout devient une farce, le temps est une illusion. Et c'est une question que l'ego pose. Êtes-vous prêt ou êtes-vous pas prêt? Vous pouvez ne pas être prêt, puis demain matin, plus prêt qu'un autre. Donc, si on vous dit que vous n'êtes pas prêt, ça peut vous retarder d'un an de temps. Si on vous dit que vous êtes prêt, l'ego l'écoute, l'ego tout content, ça peut vous retarder encore. On n'en a rien à faire. La journée, que ça va être le temps, démerdez-vous pour être prêt. La personne va se dire, oui, mais si c'est dans 2 semaines, j'aurai jamais le temps. Mais si c'est dans 2 ans, ben j'ai le temps. OK. cas, on va attendre un an et 11 mois et 3 semaines. On va attendre d'être pris 2 semaines avant. Mais on n'a pas de libre-arbitre, fait qu'on n'attendra pas de toute façon. On n'a pas de libre-arbitre, sauf qu'une chose, par contre, c'est que tu peux, toi, décider, à un moment donné, de t'associer à un manipulateur régi par l'intelligence, ou tu peux continuer à rester associé à un manipulateur régi par l'astral, la mémoire, la tradition et l'imbécilité. Et dans le temps qui vient, le 2-3 années de mouvement, tu auras la possibilité de changer de manipulateur. Est-ce que c'est l'intelligence qui va te diriger, ou si c'est la mémoire de l'intelligence qui va te diriger? Quelque chose qui va vous dire, non pas « fais ceci », mais qui va vous dire, comme toujours, « t'aurais dû faire cela ». Si t'es régi par la mémoire de l'intelligence, t'aurais dû et t'aurais pas dû. Mais tu sauras jamais sur le bon moment. Si t'es régi par l'intelligence, tu sauras pas avant. Mais tu vas savoir en maudit quand ça va être le temps que tu saches. Sauf que votre ego, vu qu'il sait pas avant, il va toujours être insécure. Mais progressivement, vous allez vous en égoïser. L'ego va fondre. Vous n'aurez plus les caractéristiques inventées par les forces spirituelles. Vous ne serez plus humain. Alors, vous ne pourrez plus dire, « Ah oui, mais, tu sais, j'ai fait ça, mais c'est humain. » Parce que vous allez être beaucoup plus divin qu'humain. Et on n'a pas encore l'habitude dans la tradition de dire, « Écoute, j'ai fait une connerie, mais qu'est-ce que tu veux? C'est divin. » On dit toujours, c'est humain, hein? Ouais. Les dieux en faisaient-ils, des conneries? De qui tu parles? En général. En général, ne doit jamais se rendre même à l'évidence. Dieu non plus. Est-ce qu'ils vont en faire... Je parle de Dieu, mais de quel Dieu? Ok, mais disons, le Dieu catholique. Est-ce qu'ils vont en faire de moins en moins? Il va en faire de moins en moins parce qu'il va être de moins en moins là. Bonne façon d'en faire moins. Par contre, l'intelligence chez l'humain, tu peux appeler ça Dieu aussi. La problématique, c'est que l'humain ne discerne pas la divinité, le divin, les dieux, ces choses-là. C'est la même chose. Parce que quand on parle de l'intelligence, ça ne fait pas de conneries. Si on parle, par exemple, de Dieu qui peut vous habiter, il ne fait pas de conneries. Vous ne l'exprimez pas. La journée qu'on l'exprime, il ne fera pas de conneries non plus. Sauf que les individus qui ne l'expriment pas penseront peut-être que vous êtes con. Parce que l'être humain n'a pas encore la capacité psychologique de comprendre l'intelligence. Bien souvent, l'humain veut faire le bien, alors il fait le mal. Parce qu'il fait mal le bien. Quelqu'un qui, à un moment donné, fait certaines choses d'une façon particulière, et puis ça a l'air bizarre, ça a l'air mauvais. De temps en temps, moi, je suis bête avec certaines personnes, mais c'est préférable d'être bête avec eux, parce que sinon, sans ça, ils vont totalement être assujettis. Alors quelqu'un pourrait dire, écoute, tu sais, il pourrait y répondre, il sait, il pourrait l'aider. Non, je préfère faire bien le bien. Et ça paraît mal. On a souvent l'impression que aider, c'est faire le bien, mais on a toujours cette impression. Aider, souvent, l'impression qu'on a aider, c'est de faire à l'autre ce que l'autre veut qu'on lui fasse. Okay, c'est ça, aider, dans le contexte spirituel. Alors que aider, c'est de faire à l'autre ce que nous pensons qu'on doit lui faire. Vous devez comprendre une chose, chaque fois que vous aidez quelqu'un, c'est votre karma qui est en jeu. Alors si vous le faites en fonction de lui, vous allez payer souvent pour l'autre. Moi, je pense que vous avez besoin de ceci, je le fais. Je pense que mes enfants ont besoin de ceci, je le fais. Je me trompe, je me trompe pas, c'est pas grave. Mais l'autre, il pense que c'est ça qu'il a besoin, puis que moi, je pense que c'est pas ça qu'il a besoin. Comme à Noël, par exemple. Mon père, il veut me la paix. Tout le monde y achète des piles. Mais moi, j'achète pas de piles. Oui, mais c'est ça qu'il veut. Mais il n'y aura rien, c'est tout. C'est bien simple. J'y achète pas de paix. Il fait de l'emphysème, il y a des problèmes, il y a ça, puis en plus, il pollue tout le monde. Bon, non. Ah oui, mais c'est pas correct qu'il achète au moins du tabac. Non. Non. Mais t'es pas correct. Un crachoir. C'est pas correct, voilà. C'est réglé. J'ai pas besoin d'être correct. Donc, si on me dit que je suis pas correct, ben, je suis pas correct. Je suis le même, ben, je suis pas correct. C'est mieux. Il y a des individus que j'ai connus à un moment donné. Mais s'il est mieux de mourir en fumant la pipe, tu veux tu m'aides de son karma encore? Absolument pas. Il y a en masse de monde qui font des pipes. Les autres en cherchent. Pourquoi l'humain n'est pas capable de faire en fonction de son intelligence? On dirait de votre conscience, mais en réalité, c'est de votre intelligence. Ah, mais je connais assez de monde dans le temps des fêtes qu'eux autres trouveraient tellement ça plaisant s'ils pourraient, par exemple, donner un cadeau sans que l'autre se sente obligé d'en faire un. Et qu'ils aimeraient ça. Et c'est des maudits hypocrites. Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est être capable de pas en donner quand on leur en donne. Alors, ils projettent ça chez autrui. Ils aimeraient ça être capable d'en donner sans que l'autre se sente obligé d'en donner. Mais il aimerait ça, en réalité, être capable d'en savoir sans sortir obligé d'en aller. Bon. Et c'est une vraie farce. Noël, c'est l'une des époques les plus malheureuses sur la planète. C'est stressé, sur tous les plans. Pourquoi? Parce que l'humain ne fonctionne pas avec son intelligence. On fait en fonction de la tradition, en fonction de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont penser. C'est pourquoi je vous dis qu'à un moment donné, vous allez devoir être capable de semer votre solitude. T'es une mère, t'es un père, t'es un maudit sans cœur. Ton garçon, il a des dettes, là, puis il y a du monde qui va lui casser la gueule, tu pourrais payer ses dettes. Tu n'as de l'argent. Ça fait 4 fois que je paye ses dettes, puis là, il continue, fait que je ne paye plus ses dettes. Puis s'il se ramasse à l'hôpital, j'irai le voir. T'es maudit sans cœur. Puis si un jour, il se fait crever un œil, il verra moins ses dettes. Ça coûte moins cher de lunettes. À un moment donné, pif paf, ton fils ou ta fille, ben, il se ramasse avec un problème assez grave, disons qu'il en meurt. T'as faux. Vous avez 200 000 en banque. Vous êtes des maudits sans cœur. Non. Il serait mort peut-être de toute façon. Et si vous auriez continué à payer ses dettes, il serait mort quand vous auriez plus une scène. Alors vous seriez dans le même état, mais pire. Il serait mort si vous êtes pauvre. Là, il est mort si vous êtes riche. Mais ça, lui-même ne comprendra pas le principe. Il veut s'en sortir, c'est probablement très intelligent d'investir. C'est du niaisage, on vous teste, on vous manipule. Puis c'est une chose que l'humain doit apprendre, avec lui-même pour commencer. Je connais des personnes qui passent leur temps à se dire, « Maudit, je ne suis pas une bonne mère. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vraie mère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme la tradition. Alors qu'elle fait mauditement mieux que bien des mères. Puis si elle se sent coupable, les autres se sentent corrects. L'humain doit faire bien attention à ce genre de manifestation, ça fait encore partie de la pensée. On n'est pas nié avec ça, ben supportez-le. C'est souffrant, souffrez. Mais ça va passer. Tandis que sinon, vous allez souffrir toute votre vie. Parce que l'astral, c'est comme une rose, je l'ai dit souvent, c'est que tu as le choix. Il faut l'arracher puis l'acheter. Alors l'humain, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il apprend un tout petit peu par année. Ça fait moins mal. Ça fait mal toute votre vie. Alors qu'il y en a d'autres, à un moment donné, qui vont le ramasser d'un coup de fait, qui vont l'arracher, puis ils vont l'acheter. Ça fait mal en maudit. Ça va cicatriser, ça va guérir, puis c'est réglé. Le maintenant, il reste en avant. Alors que tout le temps, ça pique, le devant, c'est pas trop hâte d'y arriver. Hein? Puis il y a de la souffrance, le présent, c'est toujours aussi merdique. Tu vois pas clair, t'arrives à rien. 91, on va en bénéficier uniquement si on est capable d'en faire une année qui ne soit pas dangereuse. Ça veut dire qu'on doit s'arranger pour appliquer ce que l'on sait, pour appliquer ce que l'on vibre, pour appliquer ce que l'on est. Sinon, on va se faire appliquer. C'est le temps de concrétiser. Ça, c'est pas le temps, ça a toujours été le temps. Ça a toujours été, mais là, c'est important. Ça va être moins souffrant si on décide d'appliquer. L'intelligence descend et elle tourbillonne présentement. Elle va tourbillonner encore pendant quelques années. Elle tourbillonne. Elle va pénétrer, investir qui? On s'en fout. Elle va investir ceux qui vont être prêts. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de libre arbitre. Donc c'est prévu, ce n'est pas prévu, parce qu'il n'y a pas de libre arbitre dans l'astral. L'astral ne peut pas prévoir l'intervention d'intelligence. Astralement, c'est prévu qu'un tel ici va mourir d'une crise d'appendicite aiguë qui n'aura pas pu être opéré parce qu'il va être perdu dans le bois. À monter Bello. Non, c'est pas assez grand. Faut faire pas mal que coups pour se perdre là. Faut que ça m'arrondisse dans un petit rayon, parce que les chemins, il y a ma masse. En tout cas. Sauf que si l'intelligence descend chez lui, tout ce que l'astral avait prévu pour lui est faussé. Mais là, c'est quelqu'un d'autre qui va mourir de la partie. On s'en fout. Mais mécaniquement, c'est ce qui arriverait. Quelqu'un d'autre qui mourrait. Oui, parce que les contextes évolutifs humains vont s'arranger pour te donner des raisons de te culpabiliser d'évoluer. Quand Québec va être suffisamment puissant, toute la côte ouest américaine va être détruite par un tremblement de terre. Parce qu'elle sert à récupérer toute la structure astrale spirituelle qui pourrait nuire à l'évolution supramentale ou intelligente du Québec. San Francisco, c'est Saint-François, protecteur de l'évolution. Los Angeles, c'est les anges. Saint-André, c'est un grand protecteur des mécaniques d'évolution. C'est la frère de Saint-Andreas. Les noms n'ont pas été donnés pour rien. C'est toutes des choses absolument évidentes. Et c'est bon. Ben alors, il y a beaucoup de personnes qui, à un moment donné, quand elles apprennent ça, elles se disent, ben écoute, bon, c'est pas correct, on évolue. On devrait... C'est ça, on est correct. Parce qu'on va créer progressivement quelque chose qui va permettre à ces personnages-là de se réincarner à travers des mécaniques qui sont beaucoup plus jolies. Mais ça, l'humain ne comprend pas encore ce que c'est. Il y en a plusieurs qui croient à la réincarnation, qui sont sûrs qu'ils vont se réincarner, puis qu'ils ont une peur folle de la mort. Un peu comme les catholiques, sont sûrs que le paradis existe, mais ils ont une maudite peur folle de la mort. Il faut dire que pour aller au paradis, c'est pas compliqué. Il y a un milliard de choses qu'il ne faut pas que tu fasses. Tu es bâti pour faire juste ça. Fait que l'humain peut bien avoir peur de manquer son coup. Pour avoir un enfant, c'est pas compliqué. Ben, tu aimeras tes ennemis. Très intéressant. Fait qu'on s'arrange pour t'en envoyer que tu ne pourras pas aimer. C'est la femme qui se fait violer par un bonhomme ou encore qui ramasse un enfant qui se fait violer ou qui se fait assassiner ou etc. C'est un peu à être obscurci, mais de là à aimer ses ennemis, tu sais. Elle l'aime assez que quand le gars a encore besoin de son corps, elle traite, c'est pauvre type. On parle d'amour spirituel. On est vraiment pas bâti pour rencontrer les règles qui sont prévues. Non. 91 est une année absolument formidable. Il y a des choses qui vont se passer. Si les premiers contacts avec des phénomènes extraterrestres supramentaux devraient commencer vers le mois de juin 91. 91, c'est une année où les individus doivent s'arranger pour que le peu d'intelligence qui nous habite finisse par prendre le dessus sur la quantité de mémoire qui nous habite. Pour que finalement on finisse par être libre. La deuxième partie, je parle un peu de ce que c'est que cette liberté. C'est évident qu'au départ, ça c'est comme stimulant. Ce que je veux dire aussi, ça va énergiser un peu, mais on n'a pas juste à être stimulé, à être juste énergisé. On doit s'énergifier, on doit le digérer, on doit l'appliquer. Et petit à petit, il ne faut vraiment pas qu'on court trop vite. T'appliques qu'une petite chose une fois par semaine de plus, là, tu es déjà en avance sur toute l'humanité. C'est pas une question de... Parce que c'est pas celui qui est rendu qui est important. Celui qui se rend. On se retrouve à cette façon. Le temps. Si on commence, on n'a pas beaucoup de temps si on commence. On fait une pause, vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis Charles va les écrire.